Chapitre 14. Newman fut fidèle à sa promesse de venir souvent rue de l'université, et pendant les 6 semaines qui suivirent, il vit presque tous les jours Madame de Saint-Tré. Il observa scrupuleusement la condition qu'il avait acceptée de ne pas lui parler d'amour. Pas une fois il ne franchit la limite qu'elle lui avait interdit de dépasser. Et cependant, il était certain de lui prouver chaque jour davantage combien il l'appréciait et l'aimait. Il passait souvent ses soirées, quand Madame de Saint-Tré le désirait, au glacial coin du feu de la marquise. La comtesse semblait décidée à toujours laisser entre eux, en présence de sa famille, la largeur de la chambre et à ne jamais lui adresser la parole. Madame de Bellegarde occupait toujours le même fauteuil au coin de la cheminée, causant de son ton sec et froid avec quiconque s'approchait d'elle, et promenant autour du salon son regard inquiet qui produisait à Newman, quand il s'arrêtait sur lui, la sensation d'un courant d'air humide. En lui donnant la poignée de main du départ, il ne manquait jamais de lui demander en souriant si elle pourrait le subir encore une soirée. Et la marquise répondait invariablement, mais sans sourire à elle, que grâce à Dieu, elle avait toujours été capable de faire son devoir. Newman, un jour, parlait d'elle à Madame Tristram. « Après tout, dit-il, la marquise est une femme avec laquelle on peut s'entendre. On se tire toujours d'affaire avec les coquins fieffés. » « Et c'est dans ces termes élégants que vous désignez la marquise de Bellegarde ?» s'écria Madame Tristram. « Oh, j'ai toujours pensé de même. Elle doit avoir quelques crimes sur la conscience. » C'est une vieille pécheresse. Et quel est ce crime? Je ne serais pas étonné qu'elle eût assassiné quelqu'un, pour faire son devoir, bien entendu. Comment pouvez-vous dire de si terribles choses? Terrible non, je parle d'elle favorablement, au contraire. Je voudrais bien savoir, par exemple, ce que vous diriez d'elle s'il vous prenait fantaisie d'être sévère. Je garde ma sévérité pour une autre personne, pour le marquis. Voilà un homme que je ne puis avaler. J'ai beau mêler et remuer la boisson, ça ne passe pas. Et qu'a-t-il fait, lui? Je ne sais pas trop. Mais ce doit être quelque chose de vil et de bas. Quelque hideuse infamie qui n'a pas même eu l'excuse de l'audace, comme les crimes de sa mère. S'il n'a pas commis de meurtre, il a du moins tourné le dos et regardé de l'autre côté pendant qu'il laissait le crime s'accomplir. En dépit de cette odieuse hypothèse, qu'il ne faut prendre que comme un exemple des bizarreries fantastiques de l'humour américaine, Newman faisait de son mieux pour conserver à ses relations avec M. de Bellegarde un caractère amical et affable. M. de Bellegarde, du reste, lui rendait la tâche à peu près facile. Une seule chose semblait l'irriter. L'Américain, convaincu comme il l'était que tous les hommes sont égaux, n'avait pas le moins du monde l'air de se douter de l'infériorité de sa position sociale envers les personnes qui condescendaient à le recevoir, et le noble gentilhomme, habitué à se regarder complaisamment comme un être à part et tout à fait supérieur au commun des mortels, n'admettait pas que le même miroir pût réfléchir sa précieuse image et l'image imparfaite et incolore de Newman. Quoique toujours d'une extrême politesse, pas une fois il ne s'oublia dans les nombreuses conversations qu'il eut avec lui et répondit invariablement à ses avances avec la même courtoisie machinale. Newman, qui lui s'oubliait perpétuellement, se laissant entraîner à toutes sortes de questions et de conjectures impossibles, rencontrait à chaque instant le sourire froid et ironique du mari. Mais pourquoi M. de Bellegarde riait-il si souvent? C'est ce qu'il lui était impossible de deviner. C'était probablement chez lui un habile compromis entre des émotions diverses. Tant qu'il souriait, il se croyait poli, et il lui paraissait convenable d'être poli. D'autre part, ce sourire pouvait passer pour rien de plus qu'une simple politesse, et laissait même dans le vague le degré exact de cette politesse. Répondre par un sourire à une question, ce n'est dire ni oui ni non, et n'engage à rien. Ce triomphant sourire mettait donc à l'abri sa dignité personnelle, que dans ces circonstances critiques il était résolu à garder pure de toute atteinte, en évitant de fâcheuses complications avec son futur beau-frère. La manière d'être du marquis semblait indiquer en un mot qu'entre Newman et lui, il ne pouvait y avoir le moindre échange d'opinion. Il avait l'air de retenir son haleine pour ne pas respirer l'odeur malsaine de la démocratie. Newman était loin d'être versé dans la politique européenne, mais aimant à se rendre compte de ce qui se passait autour de lui, un jour il demanda à M. de Bellegarde ce qu'il pensait des affaires publiques. Le marquis répondit avec une suave concision que la situation était aussi mauvaise que possible, que le siècle était pourri jusqu'à la moelle. Cette réponse inspira d'abord à notre Américain une généreuse compassion pour ce grand seigneur, qui, avec toutes les raisons possibles d'être satisfait de sa situation dans le monde, trouvait la vie si amère, et la première fois qu'il le revit, il essaya d'attirer son attention sur quelques-uns des bons et beaux côtés du temps actuel. Monsieur de Bellegarde se borna à répondre qu'il n'avait qu'une seule conviction politique et qu'elle lui suffisait. Il croyait au droit divin d'Henri de Bourbon, cinquième du nom, au trône de France. Newman ouvrit de grands yeux, profondément étonné, et à dater de ce jour, il cessa de parler politique avec Monsieur de Bellegarde, comme il eût cessé, par exemple, de discuter sur l'art culinaire avec un homme qui lui eut tout à coup avoué un goût irrésistible pour les arêtes de poisson ou les coquilles de noix. Un après-midi que Newman venait, selon sa coutume, rendre visite à Madame de Saint-Tré, le domestique le pria d'attendre quelques minutes, sa maîtresse étant occupée. Il était à peine assis dans le petit salon, qu'une porte s'ouvrit et sur le seuil parut une vieille femme qu'il se rappela avoir rencontrée plusieurs fois allant et venant dans l'hôtel. Grande, la taille droite, le teint pâle, l'air humble et triste, elle était vêtue de noir et coiffée d'un bonnet qui, si Newman eût été initié à de tels détails, eût amplement suffi à lui prouver qu'il ne se trouvait pas en présence d'une Française. Un bonnet d'anglaise pur sang. Du reste, à défaut du bonnet, la révérence sèche et raide, dont elle salua en entrant, ne pouvait laisser aucun doute sur sa nationalité. « Madame de Saint-Tré vous prie d'avoir la bonté de l'attendre, » fit-elle avec un regard à la fois intense et timide. « Elle rentre à l'instant et sera bientôt prête. »« Oh, j'attendrai autant qu'elle voudra. Dites-lui de ne pas se presser. »« Merci, monsieur, » répondit doucement la femme. Mais au lieu de se retirer, elle regarda autour d'elle en hésitant, puis commença à ranger les livres et les bibelots sur la table et à remettre les sièges en place. Newman fut frappé de son apparence respectable. Il n'aurait pas osé lui parler comme à une domestique. Cependant, l'apercevant dans la glace, debout près de la porte, les bras pendants et les yeux attentivement fixés sur lui, il comprit qu'elle devait avoir quelque chose à lui dire et la mit charitablement sur la voie. « Vous êtes anglaise ?»« Oui, monsieur, s'il vous plaît, je suis né dans le Wiltshire. »« Et que pensez-vous de Paris ?»« Oh, je n'en pense rien, monsieur, je l'habite depuis si longtemps. » « Ah, il y a très longtemps. »« Plus de 40 ans, monsieur. J'y suis venu avec Lady Emmeline. »« La vieille Madame de Bellegarde, vous voulez dire ?»« Oui, monsieur. Je la suivis lors de son mariage. J'étais sa femme de chambre. »« Et depuis, vous êtes resté près d'elle ?»« Je suis resté dans la maison. »« Madame a maintenant, et depuis longtemps déjà, une femme de chambre plus jeune que moi. »« Comme vous voyez, je suis bien vieille, et je n'ai plus la force de faire un service régulier. » Je m'occupe à une chose ou à une autre. Vous avez l'air robuste, cependant, dit Newman, remarquant sa taille droite et ses joues encore fraîches. Dieu merci, je ne suis pas malade, monsieur. Je connais trop bien mon devoir, j'espère, pour rôder dans la maison, haletant et toussant sans cesse. Mais je suis une vieille femme. C'est ce qui me donne la hardiesse de m'adresser à vous. Oh, parlez sans crainte, reprit Newman, dont la curiosité était légèrement excitée. « N'ayez pas peur de moi. »« Je n'ai pas peur de vous, monsieur. Je vous crois bon. Je vous ai déjà vu. »« Dans l'escalier, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Quand vous veniez voir la comtesse. »« Je me suis permis de remarquer que vous veniez souvent. »« Oui, très souvent. »« Il ne vous a pas fallu beaucoup de malice pour observer cela. »« Je l'ai remarqué avec plaisir, monsieur. » continua gravement l'ex-dame d'Atours. « Vous êtes très attaché à la famille de Bellegarde ?»« Profondément, monsieur, surtout à la comtesse. »« J'en suis ravi, » s'écria Newman, et il ajouta avec un sourire, « c'est comme moi. »« J'ai cru m'en apercevoir, monsieur. » »« Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer ces choses-là et d'avoir nos idées, n'est-ce pas, monsieur ? Qui, vous, les domestiques ? Ah, voilà, justement. Vous pensez, n'est-ce pas, monsieur, que ce n'est pas à une domestique comme moi avoir une opinion là-dessus ? Mais je suis si dévoué à la comtesse. Elle serait ma fille que je ne l'aimerais pas davantage. C'est pourquoi je me suis enhardi, monsieur, à vous parler d'elle. On dit que vous voulez l'épouser. Newman n'avait pas quitté des yeux son interlocutrice. Son visage avait une étrange expression de déférence et d'humilité, seconde nature de la femme habituée de longue date à s'effacer, et qui connaît sa place, mais en même temps, l'occasion, probablement, et surtout le sentiment de la facilité d'abord de Newman, lui donnait une certaine assurance. Et puis elle avait l'air si modeste, si anxieux, si suppliant. Newman en fut touché. Évidemment, ce n'était pas un besoin vulgaire de commérage, mais un profond dévouement qui l'a poussé à parler. « C'est vrai, je désire épouser Madame de Saint-Tré et l'emmener en Amérique. Nous irons où elle voudra. » « Le plus loin sera le mieux, monsieur, » s'écria la vieille femme avec une ardeur subite. Mais s'arrêtant aussitôt, elle prit sur la table un presse-papier en mosaïque et se mit à le frotter du coin de son tablier noir. « Je ne veux rien dire contre la maison ou contre la famille, monsieur, mais je crois qu'un changement complet ferait du bien à la pauvre comtesse. C'est si triste ici. »« Oui, ce n'est pas très gai, » dit Newman. Madame de Saint-Tré, cependant, est gaie de sa nature. Elle est tout ce qui est bien et bon. Ça vous fera peut-être plaisir d'apprendre qu'elle est depuis 2 mois beaucoup plus gaie qu'elle ne l'avait été depuis bien des années. Newman, quoique ravi de recueillir ce témoignage en sa faveur, s'abstint de manifester trop ouvertement sa joie. Madame de Saint-Tré était donc triste autrefois. Pauvre femme. Les sujets de tristesse ne lui manquaient pas. Monsieur de Saint-Tré n'était pas le mari qu'il fallait à une douce créature comme elle. Et puis, je le répète, la maison n'est pas gaie. Dans mon humble opinion, il vaudrait mieux pour elle en sortir. Excusez-moi de vous dire cela, monsieur, mais j'espère qu'elle vous épousera. Je l'espère aussi. Surtout, ne perdez pas courage, monsieur, si elle est un peu longue à se décider. Voilà ce que je voulais vous demander, monsieur. Ne vous découragez pas. Ne prenez pas cela en mauvaise part, mais le mariage, voyez-vous, est toujours pour une femme un grand risque. Plus encore, peut-être, lorsqu'elle est délivrée d'un premier mariage pénible. Cependant, si elle trouve un mari bon, généreux, respectable, comme vous, monsieur, elle aura raison, je crois, de se décider. On dit beaucoup de bien de vous ici, monsieur, et si vous me permettez de parler ainsi, votre figure me plaît. Vous ressemblez si peu à ce petit comte qui n'avait pas 5 pieds de haut. On dit aussi que votre fortune est immense. Ça ne fait jamais de mal. Je vous en supplie, monsieur, soyez patient et prenez votre temps. Si je ne vous disais pas ces choses-là, peut-être que personne ne vous les dirait. Naturellement, ce n'est pas à moi de vous faire aucune promesse et je ne puis répondre de rien. Mais je ne crois pas à vos chances si mauvaises. Je suis une vieille femme, seule dans mon coin. Ça ne m'empêche pas de voir ce qui se passe et je crois lire dans le cœur de la comtesse. Je l'ai reçue dans mes bras lorsqu'elle vint au monde, et le jour de son premier mariage fut le plus triste de ma vie. Elle me doit bien de me faire assister à un autre, plus brillant et plus heureux cette fois. Si vous voulez tenir bon, monsieur, et je me trompe fort si ce n'est pas votre intention, nous verrons ce jour-là, je crois. Je vous remercie de vos encouragements, répondit Newman avec bonne humeur. On n'en saurait trop avoir. Je tiendrai bon, soyez tranquille. Et si Madame de Saint-Tré m'épouse, vous ne la quitterez pas, vous viendrez avec nous. La vieille femme leva sur lui ses yeux mornes et doux. Ça peut sembler de l'ingratitude, monsieur, quand on a passé 40 ans de sa vie dans une maison, mais je ne le dirai pas moins. Je quitterai celle-ci sans regret. C'est au contraire tout naturel, s'écria vivement Newman. On a besoin de changement après 40 ans. Vous êtes bien bon, monsieur. Et la fidèle servante fit une nouvelle révérence. Comme elle allait se retirer, elle s'arrêta, hésitante, en souriant d'un air timide et triste. Newman éprouva un certain désappointement. Il n'en glissa pas moins la main dans la poche de son gilet. l'anglaise vit le geste. « Dieu merci, je ne suis pas une domestique française !» s'écria-t-elle. « Si j'étais une femme de cette sorte, je vous dirais avec un sourire effronté. « S'il vous plaît, monsieur, mes renseignements valent bien quelque chose. » « Laissez-moi vous le dire simplement en honnête anglaise. Oui, cela vaut quelque chose. « Combien, je vous prie ?»« Uniquement la promesse de ne pas laisser soupçonner à la comtesse que je vous ai parlé de toutes ces choses. « Si c'est là tout, je vous le promets. » C'est tout, monsieur. Merci, monsieur. Adieu, monsieur. » Une fois encore, la vieille femme s'enfonça dans ses jupons étriqués, comme un télescope rentrant sur lui-même, et après cette révérence aussi gracieuse que solennelle, elle quitta le salon. Au même moment, madame de Saint-Tré entrait. Elle entendit la porte se refermer. « Avec qui donc étiez-vous là ? » demanda-t-elle. « Avec l'anglaise, cette vieille lady en robe noire et en bonnet, qui salue si bien et s'exprime en si bons termes. » « Qui salue et qui s'exprime ? Ah ! Vous voulez dire la pauvre madame Brad ? Oui, je sais que vous avez fait sa conquête. » « Elle devrait plutôt s'appeler madame Gâteau, » fit Newman. « Elle est toute sucrée. C'est une délicieuse vieille. » Madame de Saint-Tré le regarda un moment. « Qu'a-t-elle pu vous dire ? C'est une excellente créature, mais bien ennuyeuse. Je ne l'en aime pas moins. Elle a vécu près de vous si longtemps, depuis votre naissance, à ce qu'elle m'a conté. Oui, elle est très fidèle. Je puis me fier à elle, je crois. » Newman n'avait jamais fait à madame de Saint-Tré aucune réflexion sur sa mère et sur son frère Urbain, pas même la plus légère allusion. Et comme si elle eût lu dans ses pensées, elle évitait toujours soigneusement d'amener la conversation sur ce chapitre. Jamais un mot sur l'autorité tyrannique de sa mère ou les opinions du marquis. En revanche, elle parlait souvent de Valentin, ne faisant pas mystère de son affection et de sa préférence pour lui. C'était même avec un sentiment voisin de la jalousie que Newman l'écoutait dans ces moments-là. Il aurait désiré moins de tendresse pour Valentin et un peu plus pour lui-même. Madame de Saint-Tré lui raconta un jour, avec un petit air triomphant, une action de Valentin, une action qui, disait-elle, lui faisait grand honneur. Il s'agissait d'un service rendu par lui à un ancien ami de la famille, un de ces services sérieux peu compatibles avec la légèreté habituelle du jeune comte. Newman, heureux de l'occasion de dire tout le bien qu'il pensait lui-même de Valentin, se mit à chanter ses louanges. Madame de Saint-Tré l'interrompit. « Je n'aime pas la manière dont vous parlez de mon frère, » dit-elle. « Mais je n'en dis que du bien, » fit Newman surpris. « Vous en parlez avec trop de bonté et d'indulgence. On sent que cela ne vous coûte rien, vous le traitez en enfant. Vous n'avez pas l'air de le respecter. » « Le respecter, mais je crois que oui. Vous croyez ? Si vous n'en êtes pas certain, ce n'est pas du respect. »« Le respectez-vous ? » dit Newman. « Si vous le respectez, je ferai comme vous. » « Quand on aime une personne, on n'a pas besoin de se poser cette question. »« Alors vous n'auriez pas dû me la poser. J'aime beaucoup votre frère. »« Oui, il vous amuse. Mais vous ne voudriez pas lui ressembler. »« Je ne voudrais ressembler à qui que ce fût. »« On a assez à faire de se ressembler à soi-même. » »« Qu'entendez-vous par là ?»« De faire ce qu'on attend de vous, de faire son devoir. »« Ah, quand on est très bon. » »« Il y a plus de gens vraiment bons qu'on ne le croit, généralement. » « Valentin est très suffisamment bon pour mon goût. »« Pas pour le mien, » s'écria madame de Saint-Tré après un moment de réflexion. « Je voudrais lui voir faire quelque chose. »« Que pourrait-il faire ?»« Rien. Il est intelligent, cependant. »« C'est une grande preuve d'intelligence que de pouvoir être heureux sans occupation. »« Je ne crois pas que Valentin soit réellement heureux. »« Il est instruit, brave, généreux. » Mais où trouverait-il l'occasion de faire preuve de ses qualités ? Pour moi, il y a quelque chose de triste dans sa vie, et par moments j'ai à son sujet comme un sinistre pressentiment. Je ne sais pourquoi je me figure qu'il aura quelque grand chagrin, quelque terrible accident, une fin malheureuse peut-être. « Oh, laissez-moi faire, » dit gaiement Newman. « Je veillerai sur lui et tout ira bien. » Un soir, dans le salon de madame de Bellegarde, la conversation languissait sensiblement. Le marquis se promenait de long en large, sans prononcer une parole, comme une sentinelle placée à la porte de la citadelle des convenances. La marquise Douairière regardait solennellement le feu. La jeune marquise travaillait à une immense bande de tapisserie. D'habitude, il y avait toujours au salon 3 ou 4 visiteurs. Mais ce soir-là, un violent orage expliquait l'absence des fidèles. Pendant les longs silences, on entendait distinctement le sifflement du vent au dehors et le bruit continu de la pluie battant les vitres. Newman, assis dans un fauteuil, immobile, les yeux fixés sur la pendule, était résolu à rester jusqu'à 11 heures, mais pas une minute de plus. Madame de Saint-Tré s'est élevée, et depuis quelques instants, debout, dans l'embrasure de la fenêtre dont elle avait relevé les rideaux, le front appuyé contre un carreau, semblait absorbée dans la contemplation de la tempête et de l'obscurité. Tout à coup, elle se retourna du côté de sa belle-sœur, en s'écriant avec une vivacité étrange chez elle. « Pour l'amour de Dieu, ma chère, mettez-vous au piano et jouez-nous quelque chose. » Madame de Bellegarde lui montra une petite fleur sur sa tapisserie. « Ne me demandez pas quoi que ce soit en ce moment. Je suis en train d'achever un petit chef-d'œuvre. Ma fleur, une fois terminée, embaumera. Tenez, j'y mets juste le parfum avec cette soie d'or. Je respire à peine. Impossible de m'interrompre. Pourquoi ne joueriez pas vous ? » ?»« Il serait absurde à moi de jouer, quand vous êtes là, » dit Madame de Saint-Tré. Mais presque aussitôt, elle s'assit au piano et se mit à jouer avec un brio incroyable, une valse rapide et brillante. Elle joua ainsi un certain temps. Quand elle s'arrêta, Newman, s'approchant d'elle, la pria de continuer. Elle secoua la tête d'un air de refus et comme il insistait. « Non, » répondit-elle, « ce n'est pas pour vous que j'ai joué, c'est pour moi seule. » Elle se leva brusquement et retourna à la fenêtre où, comme tout à l'heure, elle resta debout, la tête appuyée contre la vitre. Bientôt après, elle sortit du salon. À son tour, Newman sortira. Dans le vestibule, il prenait son pardessus des mains du domestique quand il vit Madame de Saint-Tré venir à lui. « Serez-vous chez vous vendredi ?» demanda-t-il. Elle le regarda un moment avant de répondre. « Vous n'aimez ni ma mère ni mon frère, » dit-elle. « Non. » Il prononça le mot à voix basse, doucement, après une légère hésitation. Madame de Saint-Tré, la main sur la rampe et les yeux baissés, commença à monter l'escalier. À la troisième marche, elle se retourna. « Oui, je serai chez moi vendredi. » Et elle continua vivement son chemin. Le vendredi suivant, Newman venait à peine d'entrer dans le petit salon qu'elle lui demanda pourquoi il détestait sa famille. « Détester votre famille ? » s'écria-t-il. « Voilà un horrible mot. Je ne crois pas avoir jamais dit rien de semblable. » Si je l'ai dit, je ne le pensais certainement pas. Je voudrais savoir votre opinion sur eux. Je n'ai d'opinion que sur vous. Voilà la preuve que vous ne les aimez pas. Dites-moi la vérité, je ne m'en offenserai pas. Eh bien, je ne prétends pas aimer beaucoup votre frère. Mais à quoi bon parler de cela? Pourquoi me le rappeler? Je l'avais oublié. Vous êtes trop bon, dit-elle d'un ton grave. Puis, comme pour éviter de donner à Newman l'occasion de mal parler du marquis, elle fit quelques pas dans la chambre et lui indiqua un siège de la main. « Ce qui est plus important, » continua-t-il un moment après, toujours debout devant elle, « c'est qu'il ne m'aime pas. »« Non, il ne vous aime pas, c'est vrai. » »« Et ne pensez-vous pas qu'ils ont tort ?»« Je ne crois pas être un homme qu'on puisse haïr. » Un homme qui peut être aimé peut toujours être haï, du moins je le crois. Et mon frère, ma mère, ne vous ont-ils jamais impatienté, fâché ? Oui, quelquefois. Vous ne l'avez jamais laissé voir, cependant. Tant mieux. Oui, tant mieux. Ils sont persuadés de vous avoir bien traité. Oh, sans aucun doute, ils auraient pu être beaucoup plus rudes s'ils l'avaient voulu. Je leur suis sincèrement reconnaissant. Oui, sur ma parole, très reconnaissant. Vous êtes généreux, dit Madame de Saint-Tré en souriant. La situation n'en est pas moins désagréable. Pour eux, peut-être, pas pour moi. Non, mais pour moi. Pourquoi, puisque j'oublie leur tort? Ils ne croient pas que je vaille autant qu'eux. Moi, je le crois. Mais soyez tranquille, nous ne nous disputerons pas pour si peu. Que m'importe, après tout, leur opinion? La vôtre seule me touche. Vous avez l'âme haute, votre esprit est élevé, et cependant chez vous, tout me semble simple et naturel. Vous n'avez pas l'air de poser pour les convenances. Que pensez-vous de moi? Que je suis un brave garçon, n'ayant pas une idée en tête, sauf celle de gagner de l'argent et de faire des marchés avantageux. C'est une description assez juste de ma personne, mais là n'est pas toute mon histoire. Tout homme digne de ce nom doit avoir dans la vie un but plus noble, bien que je ne sache pas exactement lequel. J'ai travaillé, c'est vrai, à gagner de l'argent, mais je ne me suis jamais guère soucié de l'argent lui-même. Je n'aurais pas pu rester oisif, et je ne voyais pas d'autre occupation. Je suis d'un caractère facile. On a toujours fait de moi ce qu'on a voulu. Je parle des honnêtes gens, bien entendu, et non pas des misérables. Quant à votre frère et à votre mère, ajouta Newman, il est un seul point sur lequel je ne me sens pas disposé à leur céder. Je ne leur demande pas de chanter mes louanges, mais je voudrais qu'ils vous laissassent tranquille. Si je pouvais penser qu'ils vous parlassent mal de moi, je tomberais sur eux. Ils ne me parlent pas mal de vous, et ils me laissent tranquille, comme vous dites. En ce cas, s'écria Newman, je déclare qu'ils sont presque trop bons pour cette terre. Madame de Saint-Tré, très étonnée de cette exclamation, allait répondre, lorsque la porte s'ouvrit brusquement, et Urbain de Bellegarde parut sur le seuil. Il ne s'attendait évidemment pas à trouver là Newman, et ne put réprimer un léger mouvement de surprise. Son visage n'en conserva pas moins un air d'animation et de gaieté que Newman ne lui avait jamais vu. Cet homme, d'ordinaire si impassible, semblait transfiguré. Il tint la porte grande ouverte pour livrer passage à la vieille marquise, appuyée sur le bras d'un gentleman étranger. Madame de Saint-Tré se leva, comme toujours, pour la recevoir. Le marquis, après un salut presque cordial à son futur beau-frère, se reculant de deux pas, laissa passer sa mère, qui fit à Newman un petit signe de tête plein de dignité, et quitta le bras de son cavalier afin qu'il pût saluer sa fille. « Ma fille, dit-elle, je vous amène un parent que nous ne connaissons pas encore. Lord Deepmer est notre cousin, mais aujourd'hui seulement il fait ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, une visite à sa famille. » Madame de Saint-Tré tendit en souriant sa main au jeune lord. « C'est vraiment étrange, dit celui-ci, mais c'est cependant l'exacte vérité. C'est la première fois que je reste à Paris plus de 3 ou 4 semaines. « Et cette fois, vous y êtes depuis combien de temps ?» demanda la comtesse. « Depuis 2 mois. » Ces deux réponses auraient pu passer à bon droit pour une impertinence. Mais un seul coup d'œil au visage de Lord Deepmer suffisait pour convaincre que c'était qu'une simple naïveté. On s'assit. Newman, ne prenant pas part à la conversation, eut le loisir d'examiner le nouveau venu. Lord Deepmer, du reste, n'offrait pas un grand intérêt d'observation. C'était un petit homme, maigre et chauve, de 33 ans environ. Il lui manquait plusieurs dents de devant à la mâchoire supérieure, mais en revanche, il avait des yeux bleus, tout ronds, à fleur de tête, un nez retroussé et un menton bourgeonné. Il était évidemment très timide, riant à tout propos et reprenant perpétuellement haleine avec un bruit singulier. Sa physionomie dénotait une certaine brutalité en même temps qu'une grande simplicité, un de ces hommes, en un mot, qui n'ont pas su profiter d'une éducation exceptionnelle. Il observa que Paris était une ville diablement jolie, mais que pour s'amuser réellement, solidement, il n'y avait encore que Dublin. Il préférait même Dublin à Londres. Madame de Saint-Tré connaissait-elle Dublin ? Ils devraient y venir tous quelques jours et alors ils verraient quel plaisir offre l'Irlande. C'est toujours en Irlande qu'il allait pour la pêche, comme il venait à Paris pour les nouvelles œuvres d'Offenbach. On les jouait, il est vrai, à Dublin, mais il fallait attendre trop longtemps. Il avait entendu 33 fois la belle Hélène. Quel crétin, pensa Newman. Madame de Saint-Tré, renversée dans son fauteuil et les bras croisés, considérait Lord Deepmer avec une surprise qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. Madame de Bellegarde souriait d'un air pincé. Elle interrompit tout à coup le petit lord et commença à l'interroger sur le duc, le cardinal, la vieille comtesse, Lady Barbara, etc., etc. Newman prêta l'oreille pendant un quart d'heure à toutes ces questions et aux réponses, quelque peu irrévérencieuses parfois, de Lord Deepmer, et se leva enfin pour prendre congé. Le marquis l'accompagna jusqu'au vestibule. « Il est irlandais ?» demanda Newman avec un petit mouvement de tête dans la direction du salon. « Sa mère, Lady Brigitte, était fille du Lord Finucane, » répondit gravement Monsieur de Bellegarde. « Il possède d'immenses domaines en Irlande. Lady Brigitte en était seule héritière à défaut de descendants mâles, directs ou collatéraux, circonstance extraordinaire et fort rare. Mais le père de Lord Deepmer était anglais. Son titre est anglais, et il possède également en Angleterre des biens considérables. C'est un jeune homme charmant. » Newman ne fit aucune observation, mais comme le marquis allait se retirer, il le retint d'un geste. « Je vous dois des remerciements, » dit-il, « pour votre exactitude à remplir les conditions de notre traité. Vous me favorisez auprès de votre sœur et je vous en suis profondément reconnaissant. » Monsieur de Bellegarde semblait tomber des nues. « Réellement, je n'ai rien fait dont je puisse me vanter. »« Oh, pas de modestie, marquis, » s'écria Newman en riant. « Je ne saurais me flatter de réussir si complètement auprès de votre sœur par l'effet de mes seuls mérites. Veuillez aussi, je vous prie, remercier pour moi madame votre mère. » Et il descendit l'escalier tandis que le marquis, immobile, le suivait des yeux, tout décontenancé. Ainsi s'achève le tome premier de L'Américain à Paris de Henry James.